19h59, je me poste à ma fenêtre. C'est un déconfinement modéré ce soir. Pas mal de monde dans la rue. Voilà, 20h. Dame, les cloches sonnent. Les fenêtres se sont ouvertes tardivement. Casserole enjouée de ma voisine d'en face, mais les applaudissements sont modérés. Ce fut un 20h tranquille. Une 20h sage. La rue bruisse encore. Je laisse un peu traîner mes micros aux fenêtres. Je vais prendre l'air à mes oreilles aussi. Voilà, je vous dis bonne soirée.